Le club des achichins de Théophile Gautier, lu par K00 pour audiocité.net. L'hôtel Pimodan. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques, compris des affiliés, inintelligibles pour d'autres, j'arrivais dans un quartier lointain. Espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris, que le fleuve, en l'entourant de ses bras, semble défendre contre les empiétements de la civilisation. Car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodan, bâti par Lauzin, que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu tenait ses séances mensuelles, où j'allais assister pour la première fois. Quoiqu'il fût à peine 6 heures, la nuit était noire. Le brouillard, rendu plus épais encore par le voisinage de la Seine, estompait tous les objets dans sa ouate déchirée et trouée, de loin en loin, par les auréoles rougeâtres des lanternes et les filets de lumière échappés des fenêtres éclairées. Le pavé, inondé de pluie, miroitait sous les réverbères comme une eau qui reflète une illumination. Une bise âcre, chargée de particules glacées, vous fouettait la figure, et ses sifflements gutturaux faisaient le dessus d'une symphonie dont les flots gonflés, se brisant aux arches des ponts, formaient la basse. Il ne manquait à cette soirée aucune des rues de poésie de l'hiver. Il était difficile, le long de ce quai désert, dans cette masse de bâtiments sombres, de distinguer la maison que je cherchais. Cependant, mon cocher, en se dressant sur son siège, parvint à lire sur une plaque de marbre le nom à moitié dédoré de l'ancien hôtel. Lieu de réunion des adeptes. Je soulevai le marteau sculpté, l'usage des sonnettes à boutons de cuivre n'ayant pas encore pénétré dans ces pays reculés. Et j'entendis plusieurs fois le cordon grincer sans succès. Enfin, cédant à une traction plus vigoureuse, le vieux pêne rouillé s'ouvrit, et la porte aux ais massifs put tourner sur ses gonds. Derrière une vitre d'une transparence jaunâtre apparut, à mon entrée, la tête d'une vieille portière ébauchée par le tremblotement d'une chandelle. Un tableau de Schalken tout fait, la tête me fit une grimace singulière, et un doigt maigre, s'allongeant hors de la loge, m'indiqua le chemin. Autant que je pouvais le distinguer, à la pâle lueur qui tombe toujours, même du ciel le plus obscur, la cour que je traversais était entourée de bâtiments d'architecture ancienne à pignons aigus. Je me sentais les pieds mouillés comme si j'eusse marché dans une prairie, car l'interstice des pavés était rempli d'herbes. Les hautes fenêtres à carreaux étroits de l'escalier, flamboyant sur la façade sombre, me servait de guide et ne me permettait pas de m'égarer. Le perron franchi, je me trouvais au bas d'un de ces immenses escaliers comme on les construisait au temps de Louis XIV et dans lesquels une maison moderne danserait à l'aise. Une chimère égyptienne, dans le goût de Lebrun, chevauchée par un amour, allongeait ses pattes sur un piédestal et tenait une bougie dans ses griffes recourbées en bobèche. La pente des degrés était douce. Les repos et les paliers, bien distribués, attestaient du génie du vieil architecte et de la vie grandiose des siècles écoulés. En montant cette rampe admirable, vêtue de mon mince frac noir, je sentais que je faisais tâche dans l'ensemble et que j'usurpais un droit qui n'était pas le mien. L'escalier de service eût été assez bon pour moi. Des tableaux, la plupart sans cadre, copies de chefs-d'œuvre de l'école italienne et de l'école espagnole tapissaient les murs, et tout en haut, dans l'ombre, se dessinait vaguement un grand plafond mythologique peint à fresque. J'arrivai à l'étage désigné. Un tambour de velours d'Utrecht, écrasé et miroité, dont les galons jaunis et les clous bossués racontaient les longs services, me fit reconnaître la porte. Je sonnai, l'on m'ouvrit avec les précautions d'usage, et je me trouvai dans une grande salle éclairée à son extrémité par quelques lampes. En entrant là, on faisait un pas de 2 siècles en arrière. Le temps, qui passe si vite, semblait n'avoir pas coulé sur cette maison, et, comme une pendule qu'on a oublié de remonter, son aiguille marquait toujours la même date. Les murs, boisés de menuiseries peintes en blanc, étaient couverts à moitié de tuiles rembrunies ayant le cachet de l'époque. Sur le poêle gigantesque se dressait une statue qu'on put croire dérobée aux charmilles de Versailles. Au plafond, arrondi en coupole, se tordait une allégorie strapacée, dans le goût de Lemoine et qui était peut-être de lui. Je m'avançai vers la partie lumineuse de la salle où s'agitaient autour d'une table plusieurs formes humaines, et dès que la clarté, en m'atteignant, m'eut fait reconnaître, un vigoureux hurrah ébranla les profondeurs sonores du vieil édifice. « C'est lui, c'est lui !» crièrent en même temps plusieurs voix. « Qu'on lui donne sa part !» Le docteur était debout, près d'un buffet, sur lequel se trouvait un plateau chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme. Ses yeux étincelaient, ses pommettes se pourpraient de rougeur, les veines de ses tempes se dessinaient en saillie, ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. « Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis, » me dit-il en me tendant la dose qui me revenait. Chacun ayant mangé sa part, l'on servit du café à la manière arabe, c'est-à-dire avec le marc et sans sucre. Puis l'on se mit à table. Cette interversion dans les habitudes culinaires a sans doute surpris le lecteur. En effet, il n'est guère d'usage de prendre le café avant la soupe, et ce n'est en général qu'au dessert que se mangent les confitures. La chose assurément mérite une explication. 2. Parenthèse. Il existait jadis en Orient un ordre de sectaires redoutable commandé par un cheikh, qui prenait le titre de vieux de la montagne ou prince des assassins. Ce vieux de la montagne était obéi sans réplique. Les assassins, ses sujets, marchaient avec un dévouement absolu à l'exécution de ses ordres, quels qu'ils fussent. Aucun danger ne les arrêtait, même la mort la plus certaine. Sur un signe de leur chef, ils se précipitaient du haut d'une tour. Ils allaient poignarder un souverain dans son palais, au milieu de ses gardes. Par quel artifice le vieux de la montagne obtenait une abnégation si complète? Au moyen d'une drogue merveilleuse, dont il possédait la recette, et qui a la propriété de procurer des hallucinations éblouissantes. Ceux qui en avaient pris trouvaient, au réveil de leur ivresse, la vie réelle si triste et si décolorée qu'il en faisait avec joie le sacrifice pour rentrer au paradis de leurs rêves. Car tout homme tué en accomplissant les ordres du cheikh allait au ciel de droit, ou, s'il échappait, était admis à nouveau à jouir des félicités de la mystérieuse composition. Or, la pâte verte dont le docteur venait de nous faire une distribution était précisément la même que le vieux de la montagne ingérait jadis à ses fanatiques sans qu'ils s'en aperçussent, en leur faisant croire qu'il tenait à sa disposition le ciel de Mohammed et les houris de trois nuances, c'est-à-dire du hashish, d'où vient hashisha, mangeur de hashish, racine du mot assassin, dont l'acceptation féroce s'explique parfaitement par les habitudes sanguinaires des affidés du vieux de la montagne. Assurément, les gens qui m'avaient vu partir de chez moi à l'heure où les simples mortels prennent leur nourriture ne se doutaient pas que j'allasse à l'île Saint-Louis, endroit vertueux et patriarcal s'il en fut, consommer un mets étrange qui servait, il y a plusieurs siècles, de moyen d'excitation à un cheikh imposteur pour pousser des illuminés à l'assassinat. Rien dans ma tenue parfaitement bourgeoise n'eût pu me faire soupçonner de cet excès d'orientalisme. J'avais plutôt l'air d'un neveu qui va dîner chez sa vieille tante que d'un croyant sur le point de goûter les joies du ciel de Mohammed en compagnie de 12 Arabes, on ne peut plus français. Avec cette révélation, on vous aurait dit qu'il existait à Paris, en 1845, à cette époque d'agiotage et de chemin de fer, un ordre des hashishins dont M. de Hammer n'a pas écrit l'histoire, vous ne l'auriez pas cru. Et cependant, rien n'eût été plus vrai, selon l'habitude des choses invraisemblables. 3. Agape. Le repas était servi d'une manière bizarre et dans toutes sortes de vaisselles extravagantes et pittoresques. De grands verres de Venise traversés d'une spirale laiteuse, des vidres comme allemands, historiés de blasons, de légendes, des cruches flamandes en grès émaillé, des flacons à col grêle encore entourés de leurs nattes de roseaux, remplacer les verres, les bouteilles, les carafes. La porcelaine opaque de Louis Leboeuf et la faïence anglaise à fleurs, ornement des tables, brillaient par leur absence. Aucune assiette pareille, mais chacune avait son mérite particulier. La Chine, le Japon, la Saxe comptaient là de leurs plus belles pâtes et de leurs plus riches couleurs. Le tout un peu écorné, un peu fêlé, mais d'un goût exquis. Les plats étaient, pour la plupart, des émaux de Bernard Palissy ou des faïences de Limoges. Quelquefois, le couteau du découpeur rencontrait les mets réels. Un reptile, une grenouille ou un oiseau en relief. L'anguille mangeable mêlait ses replis à de la couleuvre moulée. Un honnête philistin eût éprouvé quelque frayeur à la vue de ses convives, chevelus, barbus, moustachus ou tondus d'une façon singulière. Brandissant les dagues du XVIe siècle, des Chris Malais, des Navarras, et courbés sur des nourritures auxquelles le reflet des lampes vacillantes prêtait des apparences suspectes. Le dîner tirait à sa fin. Déjà, quelques-uns des plus fervents adeptes ressentaient les effets de la pâte verte. J'avais pour ma part éprouvé une transposition complète de goût. L'eau que je buvais me semblait avoir la saveur du vin le plus exquis. La viande se changeait dans ma bouche en framboise et réciproquement. Je n'aurais pas discerné une côtelette d'une pêche. Mes voisins commençaient à me paraître un peu originaux. Ils ouvraient de grandes prunelles de chat-huant, leur nez s'allongeant en proboscide, leur bouche s'étendant en ouverture de grelot, leur figure se nuançant de teintes surnaturelles. L'un d'eux, face pâle dans une barbe noire, riait aux éclats d'un spectacle invisible. L'autre faisait d'incroyables efforts pour porter son verre à ses lèvres, et ses contorsions pour y arriver excitaient des huées étourdissantes. Celui-ci, agité de mouvements nerveux, tournait ses pouces avec une incroyable agilité. Celui-là, renversé sur le dos de la chaise, les yeux vagues, les bras morts, se laissait couler, en voluptueux, dans la mer sans fond de l'anéantissement. Moi, accoudé sur la table, je considérais tout cela à la clarté d'un reste de raison qui s'en allait et revenait par instants, comme une veilleuse prête à s'éteindre. De sourdes chaleurs me parcouraient les membres, et la folie, comme une vague qui écume sur une roche et se retire pour s'élancer à nouveau, atteignait et quittait ma cervelle, qu'elle finit par envahir tout à fait. L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. « au salon !» cria un des convives. « N'entendez-vous pas ces chœurs célestes ?» Les musiciens ont pupitre depuis longtemps. En effet, une harmonie délicieuse nous arrivait par bouffées à travers le tumulte de la conversation. 4. Un monsieur qui n'était pas invité. Le salon est une énorme pièce, aux lambris sculptés et dorés, aux plafonds peints, aux frises ornées de satyres poursuivant des nymphes dans les roseaux. La vaste cheminée de marbre de couleur, aux rideaux de brocatelle, où respire le luxe des temps écoulés. Des meubles de tapisserie, canapés, fauteuils et bergères, d'une largeur à permettre aux jupes des duchesses et des marquises de s'étaler à l'aise, reçurent les achichins dans leurs bras moelleux et toujours ouverts. Une chauffeuse à l'angle de la cheminée me faisait des avances. Je m'y établis et m'abandonnai sans résistance aux effets de la drogue fantastique. Au bout de quelques minutes, mes compagnons, les uns après les autres, disparurent, ne laissant d'autre prestige que leur ombre sur la muraille, qui l'eut bientôt absorbée. Ainsi que les taches brunes que l'eau fait sur le sable s'évanouissent en séchant. Et depuis ce temps, comme je n'eus plus de conscience de ce qu'il faisait, il faudra vous contenter, pour cette fois, du récit de mes simples impressions personnelles. La solitude régna dans le salon, étoilée seulement de quelques clartés douteuses. Puis, tout à coup, il me laissa un éclair rouge sous les paupières, une innommable quantité de bougies s'allumèrent d'elles-mêmes, et je me sentis baigné par une lumière tiède et blonde. L'endroit où je me trouvais était bien le même, mais avec la différence de l'ébauche au tableau. Tout était plus grand, plus riche, plus splendide. La réalité ne servait que de point de départ aux magnificences de l'hallucination. Je ne voyais encore personne, et pourtant je devinais la présence d'une multitude. J'entendais des frôlements d'étoffes, des craquements d'escarpins, des voix qui chuchotaient, susurraient, blésaient et zézayaient, des éclats de rire étouffés, des bruits de pieds de fauteuil et de table. On tracassait les porcelaines, on ouvrait et l'on refermait les portes. Il se passait quelque chose d'inaccoutumé. Un personnage énigmatique m'apparut soudainement. Par où était-il entré? Je l'ignore. Pourtant, cela ne me causa aucune frayeur. Il avait un nez en bec d'oiseau, les yeux verts entourés de cercles bruns, qu'il essuyait fréquemment avec un immense mouchoir, une haute cravate blanche, empesée, dans le nœud de laquelle était passée une carte de visite où on lisait écrit ces mots. Docus carota, du pot d'or, étranglait son col mince et faisait derrière la peau de ses joues emplies rougeâtres un noir à basque carré, d'où pendaient des grappes breloques, emprisonnait son corps bombé en deux chapons. Quant à ses jambes, je dois avouer, étaient faites d'une racine de mandragore, bifurquée, noire, rugueuse, pleine de nœuds et de verrues. Paraissait avoir été arrachée de frais, car des parcelles de terre adhéraient encore aux filaments. Ses jambes frétillaient et se tortillaient avec une activité extraordinaire. Et quand le petit torse qu'elle soutenait fut tout à fait vis-à-vis de moi, l'étrange personnage éclata en sanglots, et s'essuyant les yeux à tour de bras, me dit de la voix la plus dolente « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir de rire !» et des larmes grosses comme des pois roulaient sur les ailes de son nez. « De rire, de rire !» répétèrent comme un écho des chœurs de voix discordantes et nasillardes. 5. Fantasia. Je regardai alors au plafond, et j'aperçus une foule de têtes sans corps, comme celle des chérubins, qui avaient des expressions si comiques, des physionomies si joviales et si profondément heureuses que je ne pouvais m'empêcher de partager leur hilarité. Leurs yeux se plissaient, leurs bouches s'élargissaient et leurs narines se dilataient. C'étaient des grimaces à réjouir le spleen en personne. Ces masques bouffons se mouvaient dans des zones tournant en sens inverse, ce qui produisait un effet éblouissant et vertigineux. Peu à peu, le salon était rempli de figures extraordinaires, comme on n'en trouve que dans les eaux fortes de Callao et dans les aquatintes de Goya, un pêle-mêle d'oripeaux et de haillons caractéristiques, de formes humaines et bestiales. En toute autre occasion, j'eusse été peut-être inquiet d'une pareille compagnie. Mais il n'y avait rien de menaçant dans ces monstruosités, c'était la malice et non la férocité qui faisait pétiller ses prunelles. La bonne humeur seule découvrait ses crocs désordonnés et ses incisives pointues. Comme si j'avais été le roi de la fête, chaque figure venait tour à tour dans le cercle lumineux dont j'occupais le centre, avec un air de compunction grotesque, me marmonnait à l'oreille des plaisanteries dont je ne puis me rappeler une seule, mais qui, sur le moment, me paraissaient prodigieusement spirituelles et m'inspiraient la gaieté la plus folle. À chaque nouvelle apparition, un rire homérique, olympien, immense, étourdissant et qui semblait résonner dans l'infini, éclatait autour de moi avec du mugissement de tonnerre. Des voix, tour à tour glapissantes ou caverneuses, criaient « Non, c'est trop drôle, en voilà assez, mon Dieu, que je m'amuse, de plus fort en plus fort. Finissez, je n'en puis plus, oh oh, hi hi, hi hi, quelle bonne farce, quel bon calembour. Arrêtez, j'étouffe, j'étrangle. Ne me regardez pas comme cela, ou faites-moi cercler, je vais éclater. » Malgré ses protestations à moitié bouffonnes, moitié suppliantes, la formidable hilarité allait toujours croissant. Le vacarme augmentait d'intensité. Les planchers et les murailles de la maison se soulevaient et palpitaient comme un diaphragme humain, secoué par ces rires frénétiques, irrésistibles, implacables. Bientôt, au lieu de venir se présenter à moi un à un, les fantômes grotesques m'assaillirent en masse, secouant leurs longues manches de pierrot, trébuchant dans les plis de leurs socquenilles de magiciens, écrasant leurs nez de carton dans des chocs ridicules, faisant voler en nuages la poudre de leurs perruques et chantant faux des chansons extravagantes sur des rimes impossibles. Tous les types inventés par la verve moqueuse des peuples et des artistes se trouvaient réunis là, mais décuplés, centuplés de puissance. C'était une cohue étrange. Le Puccinella napolitain tapait familièrement sur la bosse du punch anglais. L'arlequin de Bergame frottait son museau noir au masque enfariné du paillasse de France, qui poussait des cris affreux. Le docteur Bolognais jetait du tabac dans les yeux du père Cassandre. Tartaglia galopait à cheval sur un clown, et Gilles donnait du pied au derrière à son don Spavento. Caragueuse, armé d'un bâton obscène, se battait en duel avec un bouffon osque. Plus loin se démenaient confusément les fantaisies des songes drôlatiques, créations hybrides, mélange informe de l'homme, de la bête et de l'ustensile, moine ayant des roues pour pieds et des marmites pour ventre, guerrier bardé de vaisselle, brandissant des sabres de bois dans des serres d'oiseaux, homme d'état mu par des engrenages de tournebroche, roi plongé à mi-corps dans des échauguettes en poivrière, alchimiste à la tête arrangée en soufflet, aux membres contournés en alambic, ribaute faite d'une agrégation de citrouilles à renflement bizarre, tout ce qui peut tracer dans la fièvre chaude du crayon un cynique à qui l'ivresse pousse le coude. Cela grouillait, cela rampait, cela trottait, cela sautait, cela grognait, cela sifflait, comme dit Goethe dans la nuit du Valpurgis. Pour me soustraire à l'empressement outré de ces baroques personnages, je me réfugiais dans un angle obscur, où je pus les voir se livrant à des danses telles que n'en connut jamais la Renaissance au temps de Chicard, ou l'opéra sous le règne de Mussard, le roi du quadrille échevelé. Ces danseurs, mille fois supérieurs à Molière, à Rabelais, à Suif et à Voltaire, écrivaient avec un entrechat ou un balancé des comédies si profondément philosophiques, des satires d'une si haute portée et d'un sel si piquant, que j'étais obligé de me tenir les côtes dans mon coin. Docus Carota exécutait, tout en s'essuyant les yeux, des pirouettes et des cabrioles inconcevables, surtout pour un homme qui avait des jambes en racine de mandragore, et répétait d'un ton burlesquement piteux « C'est aujourd'hui qu'il faut mourir de rire. Oh, vous qui admirez la sublime stupidité d'Audry, la niaiserie enrouée d'Acile Doucet, la bêtise pleine d'aplomb d'Arnal, les grimaces de macaque de Ravel, et qui croyez savoir ce que c'est qu'un masque comique. Si vous avez assisté à ce bal de Gustave, évoqué par le haschiche, vous conviendrez que les farceurs les plus désopilants de nos petits théâtres sont bons à sculpter aux angles d'un catafalque ou d'un tombeau. Que de faces bizarres convulsées, que d'yeux clignotants et pétillants de sarcasme sous leurs membranes d'oiseaux, quel rictus de tirelire, quelle bouche en coup de hache, quel nez facétieusement dodécaèdre, quel abdomen gros de moqueries pantagruéliques. Comme à travers tout ce fourmillement de cauchemars sans angoisse se dessinaient par éclairs des ressemblances soudaines et d'un effet irrésistible, des caricatures à rendre jaloux Daumier et Gavami, des fantaisies à faire Pamédèse, les meilleurs artistes chinois, les Phidias du Poussin et du Magot. Toutes les visions n'étaient pas cependant monstrueuses ou burlesques. La grâce se montrait aussi dans ce carnaval de formes. Près de la cheminée, une petite tête, aux joues de pêche, se roulait sur ses cheveux blonds, montrant dans un interminable accès de gaieté 32 petites dents, grosses comme des grains de riz, et poussant des éclats de rire aigus, vibrants, argentins, prolongés, brodés de trilles et de points d'orgue, qui me traversaient les tympans et, par un magnétisme nerveux, me forçaient à commettre une foule d'extravagances. La frénésie joyeuse était à son plus haut point. On n'entendait plus que des soupirs convulsifs, des gloussements inarticulés. Le rire avait perdu son timbre et tournait au grognement. Le spasme succédait au plaisir. Le refrain de Docus Carota allait devenir vrai. Déjà, plusieurs hachichins anéantis avaient roulé à terre avec cette molle lourdeur de l'ivresse qui rend les chutes peu dangereuses. Des exclamations telles que celle-ci. « Mon Dieu, que je suis heureux! Quelle félicité! Je nage dans l'extase! Je suis au paradis! Je plonge dans les abîmes de délices !» se croisaient, se confondaient, se couvraient. Des cris rauques jaillissaient des poitrines oppressées, les bras se tendaient éperdument vers quelques visions fugitives. Les talons et les nuques tambourinaient sur le plancher. Il était temps de jeter une goutte d'eau froide sur cette vapeur brûlante où la chaudière eût daté. L'enveloppe humaine qui a si peu de force pour le plaisir et qui en a tant pour la douleur n'aurait pu supporter une plus haute pression de bonheur. Un des membres du club qui n'avait pas pris sa voluptueuse intoxication, afin de surveiller la fantasia et d'empêcher de passer par la fenêtre ceux d'entre nous qui se seraient cru des ailes, se leva. ouvrit la caisse du piano et s'assit. Ses deux mains, tombant ensemble, s'enfoncèrent dans l'ivoire du clavier, et un glorieux accord, résonnant avec force, fit taire toutes les rumeurs et changea la direction de l'ivresse. 6. Kiff. Le thème attaqué était, je crois, l'air d'Agathe dans Fresh Cups. Cette mélodie céleste eut bientôt dissipé, comme un souffle qui balaye des nuées difformes, les visions ridicules dont j'étais obsédé. Les larves grimpantes se retirèrent en rampant sous les fauteuils, où elles se cachèrent entre les plis des rideaux, en poussant de petits soupirs étouffés. Et de nouveau, il me sembla que j'étais seul dans le salon. L'orgue colossal de Fribourg ne produit pas, à coup sûr, une masse de sonorité plus grande que le piano touché par le voyant. On appelle ainsi l'adepte sobre. Les notes vibraient avec tant de puissance qu'elles m'entraient dans la poitrine comme des flèches lumineuses. Bientôt, l'air joué me parut sorti de moi-même. Mes doigts s'agitaient sur un clavier absent. Les sons en jaillissaient bleus et rouges. En étincelle, l'âme de Weber s'était incarnée en moi. Le morceau achevé, je continuais par des conversations intérieures, dans le goût du maître, qui me causait des ravissements ineffables. Dommage qu'une scénographie magique n'ait pu recueillir ces mélodies inspirées, entendues de moi seul, et que je n'hésite pas, c'est bien modeste de ma part, à mettre au-dessus des chefs-d'œuvre de Meyerbeer, de Félicien David. Au pied, au Vatel, un des 30 opéras que je fis en 10 minutes vous enrichirait en 6 mois. À la gaieté, un peu convulsive, avait succédé un bien-être indéfinissable, un calme sans bornes. J'étais dans cette période bienheureuse du haschich, que les orientaux appellent le kiff. Je ne sentais plus mon corps, les liens de la matière et de l'esprit étaient déliés. Je me mouvais par ma seule volonté dans un milieu qui n'offrait pas de résistance. C'est ainsi, je l'imagine, que doivent agir les âmes dans un monde aromal où nous irons peut-être après notre mort. Une vapeur bleuâtre, un jour élyséen, un reflet de grotte azurine, formaient dans la chambre une atmosphère où je voyais vaguement trembler des contours indécis. Cette atmosphère, à la fois fraîche et tiède, humide et parfumée, m'enveloppait, comme l'eau d'un bain, dans un baiser d'une douceur énervante. Si je voulais changer de place, l'air caressant faisait autour de moi 1000 remous voluptueux. Une langueur délicieuse s'emparait de mes sens et me renversait sur le sofa, où je m'affaissais comme un vêtement qu'on abandonne. Je compris alors le plaisir qu'éprouvent, suivant leur degré de perfection, les esprits et les anges en traversant les éthers et les cieux, et à quoi l'éternité voulait s'occuper dans les paradis. Rien de matériel ne se mêlait à cette extase. Aucun désir terrestre n'en altérait la pureté. D'ailleurs, l'amour lui-même n'aurait pu l'augmenter. Roméo Achichin eut oublié Juliette. La pauvre enfant, se penchant dans les jasmins, eut tendu en vain, du haut du balcon, à travers la nuit, ses beaux bras d'albâtre. Roméo serait resté au bas de l'échelle de soie. Et, quoique je sois éperdument amoureux de l'ange de jeunesse et de beauté créé par Shakespeare, je dois convenir que la plus belle fille de Vérone, pour un achichin, ne vaut pas la peine de se déranger. Aussi, je regardais d'un œil paisible, bien que charmé, la guirlande de femmes idéalement belles qui couronnaient la frise de leur divine nudité. Je voyais luire des épaules de satin, étinceler des seins d'argent, plafonner de petits pieds à plantes roses, onduler des hanches opulentes, sans éprouver la moindre tentation. Les spectres charmants qui troublaient Saint-Antoine n'eussent eu aucun pouvoir sur moi. Par un prodige bizarre, au bout de minutes de contemplation, je me fondais dans un objet fixé, et je devenais moi-même cet objet. Ainsi, je m'étais transformé en nymphe parce que la fresque représentait en effet la fille Ladon poursuivie par Pan. J'éprouvais toutes les terreurs de la pauvre fugitive et je cherchais à me cacher derrière des roseaux tastiques pour éviter le monstre à pied de bouc. 7. Le kiff tourne au cauchemar. Pendant mon extase, Docus Carota était rentré. Assis comme un tailleur ou comme un pacha sur ses racines proprement tortillées, il attachait sur moi ses yeux flamboyants. Son bec claquait d'une façon sardonique. Un tel air de triomphe railleur éclatait dans toute sa petite personne contrefaite que je frissonnais malgré moi. Devinant ma frayeur, il redoublait de contorsions et de grimaces et se rapprochait en sautillant comme un faucheux blessé ou comme un cul-de-jatte dans sa gamelle. Alors je sentis un souffle froid à mon oreille, et une voix, dont l'accent m'était bien connu, quoique je ne pusse définir à qui elle appartenait, me dit « Ce misérable Docus Carota, qui a vendu ses jambes pour boire, t'a escamoté la tête et a mis à la place, non pas une tête d'âne, comme Puck à Bottom, mais une tête d'éléphant. » Singulièrement intrigué, j'allais droit à la glace, et je vis que l'avertissement n'était pas faux. On m'aurait pris pour une idole hindoue ou javanaise. Mon front s'était haussé, mon nez allongé en trompe, se recourbait sur ma poitrine, mes oreilles balayaient mes épaules, et, pour surcroît de désagrément, j'étais couleur indigo, comme Shiva, le dieu bleu. Exaspéré de fureur, je me mis à poursuivre Docus Carota, qui sautait et glapissait, et donnait tous les signes d'une terreur extrême. Je parvins à l'attraper, et je le cognai si violemment sur le bord de la table qu'il finit par me rendre ma tête, qu'il avait enveloppée dans son mouchoir. Content de cette victoire, j'allais reprendre ma place sur le canapé, mais la même petite voix inconnue me dit « Prends garde à toi, tu es entouré d'ennemis. Les puissances invisibles cherchent à t'attirer et à te retenir. Tu es prisonnier ici, essaye de sortir et tu verras. » Un voile se déchira dans mon esprit, et il devint clair pour moi que les membres du club n'étaient autres que des kabbalistes et des magiciens qui voulaient m'entraîner à ma perte. 8. Thrin Mile. Je me levai avec beaucoup de peine et me dirigeai vers la porte du salon, que je n'atteignis qu'au bout d'un temps considérable, une puissance inconnue me forçant de reculer d'un pas sur trois. À mon calcul, je mis 10 ans à faire ce trajet. Docus Carota me suivait en ricanant et marmottait d'un air de fausse commisération « S'il marche à ce train-là, quand il arrivera, il sera vieux. » J'étais cependant parvenu à gagner la pièce voisine, dont les dimensions me parurent changées et méconnaissables. Elle s'allongeait, indéfiniment. La lumière qui scintillait à son extrémité semblait aussi éloignée qu'une étoile fixe. Le découragement me prit. Et j'allais m'arrêter, lorsque la petite voix me dit, en m'effleurant presque de ses lèvres, « Courage, elle t'attend à 11 heures !» Faisant un appel désespéré aux forces de mon âme, je réussis, par une énorme projection de volonté, à soulever mes pieds qui s'agrafaient au sol et qu'il me fallait déraciner comme des troncs d'arbres. Le monstre aux jambes de mandragore m'escortait en parodiant mes efforts et en chantant sur un ton de traînante psalmodie « Le marbre gagne, le marbre gagne !» En effet, je sentais mes extrémités se pétrifier et le marbre m'enveloppait jusqu'aux hanches comme la Daphné des Tuileries. J'étais statue à mi-corps, ainsi que ces princes enchantés des mille et une nuits. Mes talons durcis résonnaient formidablement sur le plancher. J'aurais pu jouer le commandeur dans Don Juan. Cependant, j'étais arrivé sur le palier de l'escalier, que j'essayais de descendre. Il était à demi éclairé, prenant à travers mon rêve des proportions cyclopéennes et gigantesques. Ces deux bouts, noyés d'ombre, me semblaient plonger dans le ciel et l'enfer, deux gouffres. En levant la tête, j'apercevais indistinctement, dans une perspective prodigieuse, des superpositions de paliers innombrables, des rampes à gravir, comme pour arriver au sommet de la tour de Lilac. En l'abaissant, je pressentais des abîmes de grès, des tourbillons de spirales, des éblouissements de circonvolutions. « Cet escalier doit percer la terre de part en part, » me dis-je en continuant ma marche machinale. « Je parviendrai au bas le lendemain du jugement dernier. » Les figures des tableaux me regardaient d'un air de pitié. Quelques-unes s'agitaient avec des contorsions pénibles comme des muets qui voudraient donner avis important dans une occasion suprême. On eût dit qu'elle voulait m'avertir d'un piège à éviter. Une force inerte et morne m'entraînait. Les marches étaient molles et s'enfonçaient sous moi, ainsi que des échelles mystérieuses dans les épreuves de maçonnerie. Les pierres gluantes et flasques s'affaissaient comme des ventres de crapaud. Des paliers, de nouveaux degrés, se présentaient sans cesse à mes pas résignés. Ceux que j'avais franchis se remplaçaient d'eux-mêmes devant moi. Ce manège dura 1000 ans à mon compte. Enfin, j'arrivai au vestibule où m'attendait une autre persécution non moins terrible. La chimère, tenant une bougie dans ses pattes que j'avais remarquée en entrant, me barrait le passage avec des intentions évidemment hostiles. Ses yeux verdâtres pétillaient d'ironie, sa bouche sournoise riait méchamment. Elle s'avançait vers moi, presque à plat ventre, traînant dans la poussière son caparaçon de bronze. Mais ce n'était pas par soumission. Des frémissements féroces agitaient sa croupe de lionne, et Docus Carota l'excitait comme on fait d'un chien qu'on veut faire battre, Mords-le, mords-le. De la viande de marbre pour ta bouche d'airain, c'est un fier régal. Sans me laisser effrayer par cette horrible bête, je passai outre. Une bouffée d'air froid vint me frapper la figure, et le ciel nocturne nettoyé de nuages m'apparut tout à coup. Un semis d'étoiles poudré d'or les vins de ce grand bloc de lapis lazuli. J'étais dans la cour. Pour vous rendre l'effet que me produisit cette sombre architecture, il me faudrait la pointe dont Piranèse rayait le vernis noir de ses cuivres merveilleux. La cour avait pris les proportions du champ de Mars, et c'était en quelques heures bordée d'édifices géants qui découpaient sur l'horizon une dentelure d'aiguilles, de coupoles, de tours, de pignons, de pyramides, dignes de Rome et de Babylone. Ma surprise était extrême, je n'avais jamais soupçonné l'île Saint-Louis de contenir tant de magnificence monumentale, qui d'ailleurs eussent couvert 20 fois sa superficie réelle. Et je ne songeais pas, sans appréhension, au pouvoir des magiciens qui avaient pu, dans une soirée, élever de semblables constructions. « Tu es le jouet de 20 illusions, cette cour est très petite, » murmura la voix. « Elle a 27 pas de long sur 25 de large. »« Oui, oui !» grommela l'avorton bifurqué. Des pas de bottes de 7 lieues. Jamais tu n'arriveras à 11 heures. Voilà 1500 ans que tu es parti. La moitié de tes cheveux est déjà grise. Retourne là-haut, c'est le plus sage. Comme je n'obéissais pas, l'odieux monstre m'entortilla dans les réseaux de ses jambes et, cédant de ses mains comme de crampons, me remorqua malgré ma résistance, me fit remonter l'escalier où j'avais éprouvé tant d'angoisse et me réinstalla, à mon grand désespoir, dans le salon d'où je m'étais si péniblement échappé. Alors le vertige s'empara complètement de moi. Je devins fou, délirant. Docus Carota faisait des cabrioles jusqu'au plafond en me disant « Imbécile, je t'ai rendu ta tête !» Mais auparavant, j'avais enlevé la cervelle avec une cuillère. J'éprouvais une affreuse tristesse, car en portant la main à mon crâne, je le trouvais ouvert et je perdis connaissance. 9. Ne croyez pas au chronomètre. En revenant à moi, je vis la chambre pleine de gens vêtus de noir, qui s'abordaient d'un air triste et se serraient la main avec une cordialité mélancolique, comme des personnes affligées d'une douleur commune. Ils disaient « Le temps est mort, désormais il n'y aura plus ni année, ni mois, ni heure. Le temps est mort, et nous allons à son convoi. Il est vrai qu'il était bien vieux, mais je ne m'attendais pas à cet événement. Il se porta à merveille pour son âge. » Ajouta une des personnes en deuil que je reconnus pour un peintre de mes amis. « L'éternité était usée, il faut bien faire une fin, » reprit un autre. « Grand Dieu !» m'écriai-je, frappé d'une idée subite. « S'il n'y a plus de temps, quand pourra-t-il être 11 heures ?»« Jamais !» cria d'une voix tonnante Docus Carota, en me jetant son nez à la figure et en se montrant à moi sous son véritable aspect. « Jamais, il sera toujours 9h15. L'aiguille restera sur la minute où le temps a cessé d'être, et tu auras pour supplice de venir regarder l'aiguille immobile et de retourner t'asseoir pour recommencer encore, et cela jusqu'à ce que tu marches sur l'os de tes talons. » Une force supérieure m'entraînait, et j'exécutai 400 ou 500 fois le voyage, interrogeant le cadran avec une inquiétude horrible. Docus Carota s'était assis à califorchon sur la pendule et me faisait d'épouvantables grimaces. L'aiguille ne bougeait pas. « Misérable, tu as arrêté le balancier !» m'écriai-je, ivre de rage. « Non pas, il va et vient comme l'ordinaire. Mais les soleils tomberont en poussière avant que cette flèche d'acier ait avancé d'un millionième de millimètre. « Allons, je vois qu'il faut conjurer les mauvais esprits. La chose tourne au spleen !» dit le voyant. « Faisons un peu de musique. » La harpe de David sera remplacée cette fois par le piano d'Erard. Et se plaçant sur le tabouret, il joua des mélodies d'un mouvement vif et d'un caractère gai. Cela paraissait beaucoup contrarier l'homme mandragore qui s'amoindrissait, s'aplatissait, se décolorait et poussait des gémissements inarticulés. Enfin, il perdit toute apparence humaine et roula sur le parquet sous la forme d'un salsifis à 2 pivots. Le charme était rompu. « Philélouia, le temps est ressuscité !» crièrent des voix enfantines et joyeuses. « Va voir la pendule maintenant !» L'aiguille marquait 11 heures. « Monsieur, votre voiture est en bas !» me dit un domestique. Le rêve était fini. Les Achichiens s'en allèrent, chacun de leur côté, comme les officiers après le convoi de Malbrook. Moi, je descendis d'un pas léger cet escalier qui m'avait causé tant de tortures, et quelques instants après, j'étais dans ma chambre en pleine réalité. Les dernières vapeurs soulevées par le haschich avaient disparu. Ma raison était revenue, ou du moins ce que j'appelle ainsi, faute d'autres termes. ma lucidité aurait été jusqu'à rendre compte d'une pantomime ou d'un vaudeville, ou à faire des vers rimant de trois lettres.